Le 22 janvier dernier, c'est par hasard, c'est toujours par hasard, que fut découverte la supernova 1A la plus proche jamais vue depuis 42 ans. Cette supernova apparue dans la galaxie M82 était suffisamment proche de nous pour pouvoir être étudiée dans de multiples longueurs d'onde. Comme on le sait, les supernovas, ou les supernovae, comme cette SN2014J, sont utilisées par les astronomes pour évaluer les distances, grâce au fait que ces explosions d'étoiles produisent une luminosité intrinsèque toujours identique, faisant de leur luminosité apparente une simple fonction de leur distance. Depuis quelques décennies, le phénomène de supernova de ce type, appelé le type 1A, a été modélisé puis affiné par de nombreux travaux. Il en résulte, pour l'origine de cette gigantesque explosion, une fusion thermonucléaire d'une étoile naine blanche ayant dépassé la masse critique, dite masse de Chandrasekhar, par accrétion de matière provenant d'une étoile compagne, le plus probablement une autre naine blanche. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de preuves directes que ce phénomène était bien produit par une telle fusion nucléaire des atomes de carbone formant la naine blanche, même si tout semblait collé au modèle. Eh bien, l'étude parue dans Nature la semaine dernière, et dont se fait l'écho le dernier numéro de Science, vient mettre un point presque final à cette question en montrant clairement la présence des isotopes attendus dans les résidus de SN2014J. Oui, les SN1A sont bien des explosions thermonucléaires massives de carbone, comme on l'avait compris. Eugène Tchourazov, du Max Planck Institute de Garching, et ses collègues, dont plusieurs chercheurs français du CNRS et du CEA, ont utilisé le télescope spatial européen intégral, spécialisé dans les rayons gamma, en le braquant vers la position où était apparu SN2014J. Seulement quelques dizaines de jours après l'éclair de lumière visible. Lorsque la masse de la naine blanche dépasse les 1,4 masses solaires, la masse de Chandrasekhar, sa gravité ne peut plus être contrecarrée par la pression de dégénérescence des électrons qui la composent. Elle s'effondre très rapidement, et ce faisant, toute sa matière fusionne brutalement, produisant une gigantesque explosion thermonucléaire, éparpillant une grande quantité de matière produite de la fusion nucléaire et laissant derrière elle un résidu ultra-compact sous forme d'étoiles à neutrons. Pour confirmer la nature d'une telle explosion, les astrophysiciens se sont intéressés aux produits de la fusion des noyaux de carbone et des noyaux ultérieurs. En effet, ces derniers sont essentiellement des isotopes radioactifs instables qui se désintègrent en émettant notamment des rayons gamma. Et comme les rayons gamma ont une énergie bien déterminée qui dépend de la nature du noyau d'atomes qui les a émis, on peut, en les détectant, déterminer non seulement la nature des réactions et de la matière en présence, mais aussi sa quantité. Et M82 est suffisamment proche pour que les flux gamma soient détectables. D'après les modèles élaborés, ces naines blanches de carbone doivent produire au cours de l'explosion de nombreux isotopes radioactifs qui mènent finalement à l'isotope nickel-56. Le nickel-56 se désintègre en quelques jours en cobalt-56, qui lui-même se désintègre avec une demi-vie de 77 jours en fer-56, qui lui est stable. Dans les premières semaines suivant l'explosion, les rayons gamma émis par les produits de fusion de la supernova sont absorbés par l'enveloppe de nickel en expansion rapide qui les produit, ce qui est à l'origine de la lumière observée après réémission d'énergie. C'est environ après un mois que l'enveloppe gazeuse devient suffisamment diffuse pour laisser sortir des rayons gamma sans qu'ils n'aient été absorbés ou trop diffusés. L'équipe menée par Tchourazov a détecté les photons gamma du cobalt-56 en provenance de SN2014J entre 50 jours et 100 jours après l'explosion. En théorie, la masse totale de nickel-56 devant être produite par une telle supernova est de l'ordre de 0,5 masse solaire. À partir des spectres de rayonnement gamma du cobalt-56 mesuré, Tchourazov et al. Arrivent à estimer la masse de nickel-56 à 0,56 masse solaire. Ils parviennent également à donner une valeur de la vitesse d'expansion des éjecta, 10 000 km par seconde. Il s'agit là de la première preuve observationnelle directe de la nature thermonucléaire d'une supernova 1A. Et ces mesures confortent très largement le modèle construit depuis de longues années. Cependant, une autre équipe d'astrophysiciens, majoritairement allemands, menée par Roland Diehl, lui aussi du Max Planck Institute à Garching, a exploré, elle, les émissions de SN 2014J, mais plus précisément les photons gamma émis très tôt, à peine 20 jours après l'explosion, principalement ceux du nickel 56, et toujours avec intégrale. Et elle trouve quelque chose d'anormal. Certes, ces astrophysiciens confirment eux aussi la nature thermonucléaire de la supernova en mesurant les rayons gamma du nickel 56, mais ils mesurent des photons gamma qui arrivent trop tôt et en trop grande quantité par rapport au timing attendu de l'explosion. Roland Diehl et al. Propose ainsi l'existence d'une sorte d'asymétrie dans cette supernova, comme si un disque d'hélium avait entouré la naine blanche et aurait participé à l'explosion en fournissant du matériau de fusion supplémentaire, voire l'allumette à l'origine de la déflagration. On le voit, même lorsqu'on apporte une très belle preuve observationnelle d'un modèle utilisé depuis longtemps, des petits détails peuvent encore être à l'origine de nouvelles corrections potentiellement importante à notre compréhension des supernovae. Les articles mentionnant ces observations sont mentionnés à la fin de ce post.